Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Albanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en différé. Toujours sa petite sélection de nouveautés qualitatives au cœur de cette émission. On aura les Américains de Tayside, Iron Fire, les Français de Sorcerer et d'autres formations qu'on vous égrènera tout au long de l'émission de ce soir. On va pas perdre de temps hein, avec une doublette en démarrage d'émission à 2000 à l'heure, Dayside et Vulture. Vous l'aurez donc compris, on ouvre cette nouvelle émission Hellbanger avec une nouveauté, le 13e effort studio de la légendaire formation qui nous vient de Floride, Dayside. 35 ans de carrière au compteur cette année. 5 ans et demi se sont écoulés depuis le Overtures of Blasphemy qui était sorti en septembre 2018. Ce petit dernier comporte 12 morceaux pour environ 40 minutes de blast. C'est pas mauvais, c'est pas excellent non plus. Voilà, un Glenn Benton toujours aussi féroce et convaincant vocalement parlant. C'est impressionnant. Des leads et des solis vraiment à la sauce Dayside, presque troisième période. Hein, après la doublette Hoffman, on a eu Ralph Santola. Là maintenant, on a les nouveaux gratteux bah, qui avoinent, hein, mais il manque une petite âme, somme toute. Ça reste. En plus des blasts ultra vénères portés par l'inarrêtable également Steve Asheim. Voilà, c'est brutal et percutant à souhait ce nouvel effort studio de Dayside. Il s'intitule d'ailleurs Banished by Sin. Il est déjà dispo. On s'écoutera le titre Bury the Cross with Your Christ. On enchaînera ensuite avec Vulture, la formation qui nous vient d'Allemagne, le groupe de Heavy True Speed Trash. Actif depuis un petit peu moins de 10 ans, qui vient de sortir son 4e effort studio, c'est chez Metal Blade, ça défonce, c'est tubesque, c'est ultra efficace, et gros plaisir d'avoir ce nouvel effort de Vulture à vous diffuser une fois de plus. Realm of the Impaler, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite, c'est de l'album Sentinels, tout ça donc c'est déjà dispo, bienvenue dans l'émission de ce soir, c'est parti. Another, it's time to live another day. Pour la doublette suivante, la base commune, c'est le punk hardcore au sens large, on va dire. Cependant, deux formations musicalement diamétralement opposées pour tout le reste. Conservative, Military, Image, tout d'abord, qui nous sort un nouvel EP chez Triple B Records, No Squares in Our Circle, une sortie Triple B, donc punk hardcore, grosse tendance oi, c'est très très rare qu'on diffuse des formations comme ça, et pour le coup on s'y met, particulièrement quand on a la qualité et l'efficacité d'un Conservative, Military, Image. Le groupe est tout jeune, actif depuis seulement 2022, et cependant très prolifique. Une formation qui nous vient de notre continent cette fois, Dot Street, qui nous sort un Nocturnal Wheel absolument prenant. Là, on est pareil sur une base punk hardcore, un peu crusty. Et par-dessus tout ça, on a du Swedish Black Death. Donc, entendez par là un riffing de gratte absolument incroyable, des mélodies épiques et prenantes à souhait. Voilà, c'est absolument impressionnant la musique de Dot Street, hein, qui a bénéficié d'ailleurs d'un focus récemment. On s'écoutera le titre Celestial Wheel et juste avant ça, Conservative Military Image avec le morceau Charlie from Hardcore. C'est parti. Love the person whoever wrote that out just to name some bebop, like any bebop, one bebop person. I haven't got a fucking clue what bebop is. Needs to rename itself, it's fucking sure. Yeah! Pour la doublette suivante, on va s'envoyer une autre petite nouveauté. Eye on Fire, voilà, qui nous permet d'ailleurs de faire au passage une petite doublette 100% américaine. Le groupe de Stoner Sludge, qui nous vient de Californie, actif depuis 1998, sort là son 9e effort studio, 5 ans et demi après le précédent, une bien solide discographie. 11 titres pour à peu près une heure de son, de leur c'est toujours aussi bien identifiable, hein. Stoner, sludgy, lourd, gras, baveux, avec des séquences un peu plus hard rock et groovy, des passages bien plus agressifs et rentrent dedans, à la limite du M-tempo, hein, alors toute proportion gardée dans le Stoner Sludge, avec un riffing assez trashy, et on a voilà, comme c'est cette grosse base gras sludge. Quelques petites longueurs, toujours dans la musique de Eye on Fire, mais ça reste toujours globalement varié pour qu'on n'ait pas le temps de s'ennuyer non plus. Necrot, ensuite, une autre formation américaine, et tout comme Eye on Fire qui nous vient de Californie, actif depuis 2011, c'est le 3e effort studio qui vient de sortir. On est sur du Death Old School sale et groovy, qui fait pas dans la facilité cependant, ça bave les années 90, 40 minutes, 7 morceaux. C'est parti, la recette est la même depuis quelques albums, et on va pas bouder notre plaisir, bien au contraire. Eye on Fire, Burning Dawn, extrait de l'album Cometh the Storm. Necrot, Winds of Hell, extrait de l'album Liveless Birth. C'est parti. We'll be right back. Doublette suivante, Blaze of Perdition et Brat. Alors c'est pareil, un grand écart stylistique pour la doublette à venir et grand écart géographique également. Blaze of Perdition, tout d'abord, c'est du Black qui nous vient de Pologne, actif depuis une vingtaine d'années. Le sixième effort studio vient de sortir chez Metal Blade. 5 titres pour 40 minutes, des compos plutôt longues et généreuses. Et pour la toute première fois, l'ensemble des textes sont chantés en polonais. Jusqu'à maintenant, on n'avait qu'une poignée de compos disséminés un peu partout sur l'ensemble de leur discographie dans leur langue d'origine. Donc voilà, un black typiquement polonais, froid, incisif, hypnotique, légèrement atmosphérique et toujours aussi qualitatif, Blaze of Perdition. Rien à voir ensuite, Brat qui nous vient de la Nouvelle-Orléans, on est sur du Bimbo Power Violence. Le groupe est actif depuis 2020, c'est le premier album studio qui vient de sortir après deux EP, plutôt remarqué. On est sur un énorme crossover musical, hein, un melting pot de tout ce qu'ils aiment, le death, le thrash, le hardcore et le grind. 10 titres pour une vingtaine de minutes, c'est concis et efficace. On en prend encore une fois en prochaine émission en direct, je prendrai le temps un petit peu d'en parler de Brat et plus précisément de chacun des musiciens. Il y en a énormément de choses à dire et puis bah, ma foi leur petit cocktail musical, personnellement il a bien fait mouche. Une fois que j'ai laissé passer la hype, j'ai vraiment pu m'intéresser de près à l'histoire et à la musique de ce groupe. Blaze of Perdition, le titre Architect, extrait de l'album Uffersin. Brat, Slow Hate, extrait de l'album Social Grace, une sortie Prosthetic Records au passage. êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Petit break dans la diff internationale avec l'ouverture de notre séquence 100% française. Séquence française que l'on va ouvrir avec une doublette, je sais bien qu'il y avait ce mot-là à placer. Doublette de nouveautés, Sorcerer et Fractal Gates. Sorcerer tout d'abord. Formation metal hardcore parisienne qui vient de sortir le premier véritable album studio. On avait eu un premier EP qui était plutôt généreux, mais là on est vraiment sur un gros morceau studio. Le tout en à peine 5 ans d'existence, hein, de The Pain Album. Donc 8 titres pour 30 minutes, grande qualité, métallique hardcore, post-hardcore, avec un côté très mélancolique, hyper viscéral et prononcé. Une prod ultra soignée et bien vénère. Enfin, c'est un bonheur à écouter, Sorcerer. En fait, j'ai écouté. Petite anecdote. J'ai écouté l'album comme ça, d'un bloc, en disant waouh, putain, les coupeaux sont énormes. Après, c'est ouais, mais attends, il y a un truc qui m'a chiffonné. J'ai réécouté l'album et je suis waouh, en fait, la qualité musicale, la qualité d'enregistrement et de la prod sont vraiment excellentes et ça sublime vraiment chacune des compos de Sorcerer. Grand plaisir de les revoir en live très prochainement. Fractal Gates, groupe de mélodes parisien, encore une formation francilienne donc, actif depuis 2007, c'est le quatrième effort studio qui vient de sortir. 50 minutes, gros pavé, donc, d'un mélodes plutôt soigné, inspiré de la scène scandinave, surtout à chercher du côté des Finlandais, Insomnium, Onungathorum, etc. Voilà, tous ceux qui aiment cette scène-là et qui aiment le mélodes bien fait, clairement vont s'y retrouver. Tous les ingrédients sont là et excellemment bien maîtrisés. Fractal Gates, donc, on s'écoutera le morceau Rap Shining Fall, extrait de l'album One With Dawn. Et juste avant ça, Sorcerers, Eternal Grief, extrait de l'album Devotion. Et tout ça, c'est sorti. Sorcerers, c'est sorti à la fois chez Deliverance Records et Frozen. C'est parti.